rien qui est parti beaucoup trop loin. Y'a quelque chose à moi, à 10 000 km de là, dans un pays à peine civilisé, avec plein de bêtes très méchantes, des grosses bêtes pas dressées comme des papillons vénéneux, des fourmis carnivores, des renards enragés, et même des doryphores très méchants. Protéger, même si elle connaît quelques coups en cas d'attaque de loup-garou. Mais il y a d'autres créatures dont j'ignore l'existence. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a pas en France. Des papillons vénéneux, des fourmis carnivores. Il paraîtrait que sous les tropiques, il y a encore des dinosaures méchants. Dans une autre galaxie.